veut pas de la violence, on veut coquer. On veut pas de la violence, on veut coquer. On veut pas de la violence, on veut pas de la violence, on veut pas de la violence, on veut coquer. Youpi, ya, ya, ya, youpi. Chaud même. Évolée. Will, pas de gal, faut pas au choquer. Si son moins fort ou ok, gros fesse pour gros fait dopé. Il est coqué, coqué, coqué, coqué, coqué, coqué, coqué, coqué, coqué. Il est pull up. Ok, chata, son qui loup, son qui atta. Active ton mode manawa, faut faire bouger les caca. Mada chata, les femmes là, nigo bonda. Si son mec cabré n'est ça. Attends, JT, remets le refrain pour moi. Boum. Pas de gal, faut pas au choquer. Si son mec fuck ou ok. Gros fesse pour gros fait dopé. Coqué, coqué, coqué, coqué, coqué, coqué, coqué, coqué. Il est dans l'ambri. Poum poum macadam coqué joui. Panil en mounien qui cal, un ben oui. Ou j'a save son sale gay la chi. Les DJ a pas couchal. La ni femme en les nom. Femme en les femme. Nom en les nom. Même pas d'accord pour ça. Dom dom dom. Gal pas fait gomme. Fait bon d'en fait l'homme. Ou j'a save nous aimer ça. Pas de gal, faut pas au choquer. Si son moins fuck ou ok. Gros fesse pour gros fait dopé. Il est coqué, coqué, coqué. Coqué, coqué, coqué. Coqué, coqué, coqué. Il est Yeah man. Et voleta.